J'aimerais, au seuil de cette émission, et avant que nous engagions la chronologie des événements de octobre à décembre 1916, ce qui s'est passé il y a 50 ans, que Maurice Genevoix, qui a suivi pendant toute l'année la commémoration de Verdun, puisqu'il était président du comité du souvenir de Verdun, que Maurice Genevoix donc nous dise ce qu'a été cette commémoration et en particulier les journées autour de la commémoration nationale le 21 mai. Ce sont des impressions de témoins que je vais vous livrer, bien entendu. Par conséquent, toutes subjectives et personnelles. J'ai donc gagné Verdun par la route. J'appréhendais, comme beaucoup de pèlerins, sur la foi d'indications trop largement diffusées par la presse, j'appréhendais donc la cohue, les embouteillages et les barrages de la police. Au lieu de cela, à ma très vive surprise, des routes libres, et quand nous y sommes entrés, une petite ville, beaucoup plus tranquille que d'ordinaire, aux chaussées à peu près désertes, entre des barrières d'avance dressées, mais qui ne contenaient personne. Cette paix, d'ailleurs, ce vide tout à fait singulier, donnait un sentiment d'attente étrange, enfin solennel, presque saisissant. Aussi bien les choses devaient changer l'après-midi, peu à peu, sans afflux massif, enfin par troupes ou par délégations entières, on aurait dit un à un, deux à deux, venus, surgis, l'on ne savait d'où, de vieux hommes apparaissaient, la plupart d'ailleurs au visage paysan, rustique, hâlé par le plein air, les traits rudes et virils, en dépit des marques trop visibles, elles, de l'âge. Ils allaient, le béret traditionnel en tête, se mêlant à une foule peu à peu grandissante, les rues se meublaient, se garnissaient, et eux se rejoignaient, se cherchaient des yeux, se reconnaissaient les uns les autres, d'ailleurs sans qu'il y fût besoin de paroles et de mots, se serraient la main, et y prenaient ainsi, à mesure que passaient les instants, une sorte d'assurance commune, une sorte de sérénité grave, et peut-être même un peu triste. Leur mise, d'ailleurs, presque toujours, était simple, souvent même pauvre, sous les médailles, les rubans rouges, jaunes, verts et rouges, avec les menues étoiles, les palmes de bronze agrafées. Ils portaient d'ailleurs, vous en doutez bien, d'autres marques aussi, d'autres signes de reconnaissance, trop évidents ceux-là, des yeux de verre, des fronts défoncés, des balafres, couturant les joues, les fronts, des moignons, des mains de bois gantées de cuir, des béquilles. Tels étaient les pèlerins de Verdun, 50 ans après la bataille. C'est eux, je crois, que la cité meusienne avait voulu d'abord accueillir, c'est à eux qu'elle avait voulu faire fête et témoigner sa gratitude. Verdun, on l'a répété à ce micro, au lieu et symbole en même temps, témoignait réellement, je crois, ce jour-là pour la France tout entière. Et puisque tout entière aussi, ou presque, notre armée de 1916 avait combattu et souffert autour de sa citadelle, eh bien Verdun entendait ainsi honorer les soldats de tous les fronts, au long des 52 mois qu'avait duré, il y a un demi-siècle, leur guerre. Tel était bien, m'a-t-il apparu, le sentiment qui animait la France de 1966. Tel était bien aussi, je crois, la pensée du gouvernement qui avait voulu associer le pays à cette commémoration. Ainsi donc, double choix, honorable de part et d'autre et émouvant de part et d'autre. Quant aux cérémonies même, je ne vais pas vous les retracer, la presse de l'époque les a longuement décrites. Eh bien, la montée des drapeaux, celle de la flamme à Douaumont, la flamme portée par des vétérans vers le terre-plein de l'ossuaire, des vocations sonores de la bataille, les embrasements, les illuminations, les prières, les chœurs chantés de la veillée nocturne, et puis le lendemain, la messe à l'ossuaire, chacun des assistants y aura réagi dans la sincérité et dans le secret de son cœur. Enfin, tout cela, je le répète, dans l'ensemble, a été digne de la conjoncture, très généreux d'intention, inspiré évidemment par des sentiments nobles, par un souci d'équité, un désir de compréhension, qui ont su rejoindre et toucher, par instant même, bouleverser, presque jusqu'aux larmes, les anciens venus au rendez-vous. Alors, il faut bien quelques présomptions pour essayer d'aller un peu au-delà de ces spectacles, de ces cérémonies préparées, célébrées dans le recueillement et l'émotion des uns et des autres. Puisque vous me demandez mes impressions, je veux essayer d'être tout à fait sincère. Et je me rappelle que c'est sous le coup de cette émotion, le dimanche, après la messe, et l'homélie fraternelle de son éminence le cardinal Felletin, blessé de Verdun, après la revue militaire et le beau discours d'un président de la République qui combattit aussi à Verdun, qu'un homme, dans la force de l'âge, me parlait des heures à son sentiment inoubliable qui venait de nous réunir d'une génération à une autre. Son élan, sa sincérité éclatante, méritaient d'éveiller en moi et ont éveillé en moi un écho entièrement accordé. Mais l'horaire et les remous de la foule nous ont séparés l'un de l'autre un peu trop tôt à mon gré, car j'avais des choses à lui dire. Et ce sont ces choses que je voudrais essayer d'exprimer. C'est vrai, lui aurais-je dit, nous sommes touchés de ce retour et de cette sympathie qui nous entoure. Mais ce qui nous touche le plus, je crois que cela n'intéresse ni notre amour-propre, ni notre fierté secrète, ni notre bonne conscience, car elle existe, d'hommes qui ont fait, à un moment de leur vie, quoi qu'il leur en coûtât, tout leur devoir, leur très dur devoir, croyez-moi. Presque tous, en effet, nous sommes déjà venus ici. Nous n'avons pas attendu cette commémoration, soit dans les pèlerinages périodiques qui rassemblent des camarades d'association, soit tout seul au hasard d'un voyage, d'un crochet que nous avons fait volontairement, nous sommes déjà montés à l'ossuaire du Douaumont. Et chaque année, des anciens de Verdun, dans une nuit pareille à celle-ci, plus froide encore car c'est souvent l'hiver, partent à pied de la chapelle Sainte-Fine et gravissent les pentes de la colline pour se recueillir devant les tombes. Pendant qu'ils montent, on n'entend guère que le bruit de leur piétinement, leur respiration qui s'essouffle, parfois un mot dit à voix basse. Cette nuit, lorsque les 15 000 croix blanches se sont illuminées ensemble, c'était saisissant, certes, c'était très beau, mais ce que j'ai vu à la clarté des torches, ça a été les silhouettes indistinctes, éparpillées de ces quelques veilleurs silencieux, toujours là, de relève en relève, et cela depuis 50 ans. Une fois, je m'en souviens, à mon côté, un amputé d'une jambe, de la cuisse, peinait. Je sentais sa terrible fatigue, et sachant que quelques voitures suivaient notre colonne, je l'adjurais en camarade de s'arrêter, de les attendre. Eh bien, il m'a répondu non, je veux souffrir. Eh bien, c'est ce mot ressemblant que je vous livre. Pour que vous voyiez mieux dans la foule qui les entoure, ces hommes voués, aujourd'hui blanchis, courbés, ravagés, mais fidèles. Encore quelques années, je l'ai dit, il n'en restera plus. Mais le dernier veilleur de Douaumont, d'avance, l'emporte et l'emportera dans nos cœurs sur toutes les commémorations.